Nous, ouais, dans le conflit, ça, d'après ça, Michel, ça t'explique, nous, présence grandon, mais avec une malice qui permet, et ça, son mal qui nouveau, que jusqu'à présent, auditeur Radio Haïti, au pot qu'on connaît, qui permet, à travers manipulation de communauté paysanne, non, dresser un groupe paysan contre un autre groupe paysan. Mais grandon, Kadou lui-même, dit même l'éclair sous question, réforme agraire le fait, c'est l'éclair réforme agraire. Hein? Monsieur, t'as quand même allé jusque-là, vraiment. Puisque l'y distribuait l'État, et l'y distribuait par les paysans. Reprend, mais qu'on y a, faut qu'on fasse un problème, yo. Qui paysan ça te y est, côté où t'es sorti, et est-ce que t'es déjà gagné des antagonismes avec groupement tête ensemble, non? Et toute question ça, yo, qui était là, reprend. Jean, question Jean Rabel, là, son question. Qui grave, qui sérieuse, qui méritait que gagne une enquête toute bon vrai qui fait sous lit par une commission sérieuse indépendante parce que il est capable annonciateur de l'autre conflit du même genre et paysannerie étant la base, le moteur du changement dans ce pays. Oui, ça c'est le premier problème. Non, mais ma réponse nous tout de suite que il est capable annonciateur. Comme Radio Haïti a annoncé hier matin, c'est que dans Tiot déjà, nous avons information qui prouvait nous que là, tout Makoutio était paré pour réagir contre paysans, contre habitants qui a plouvrigé. Et dans l'autre région pays, il y a une bonne information que même mouvement ça a préparé. Donc, nous d'accord à coup que Jean Rabel est capable de constituer une espèce de laboratoire expérimental de force l'ombrage, force l'ennui, contre habitants qui ont essayé l'ouvrier, habitants qui ont essayé marcher. Mais, sous exemple, sur le bail là, sous description de situation, est-ce que ça signifie que Grand Donyo, Gros Chabrak, non, paysannerie, hein? Est-ce que yo commencé à gagner une intelligence sociale qui permet yo? Parce que là, y a bon problème. Et ça, son vision, yo gen là, oui, yo rive devant question de réforme agraire que habitants a demandé, et puis yo font bac, yo accepté pour perdant sous terre que yo te fermé dans l'État, yo perdant sous lit. Un gens pour yo régler problème yo avec un l'ennemi que t'ai identifié qui est l'ennemi groupement tête ensemble. Est-ce que c'est bien ça me comprendre dans sous stratégie grandon yo qu'on va expliquer nous là. Bon, et me pas veut passer pour monde savez sous gens yo penser réfléchir qui stratégie yo mettre en place. Mais si nous juger par fait yo et yo atteint nos objectifs, c'est-à-dire tête ensemble te ba au problème. Tête ensemble te vin remettre en question tout ton structure, tout ton mode de fonctionnement, tout ton mode de gestion de la propriété, tout ton mode de accaparation des biens, accumulation, etc. Donc, et penser que m'pas jamais croire que classe dirigeante dans pays ça, c'est une classe dirigeante qui saute, c'est-à-dire qui pas capable miser sous et une stratégie qui permette lui dans le court terme sembler que le perdu, mais dans le long terme sembler que le a gagné tout. Oui, parce que là habitant que le vin mette sous terre que le partager. Je crois que il faudrait comprendre si n'en perdu ça que le fait puisque le baïotéa donc et yo vini râler manchette pour défendre tête que yo quoi qui pour yo parce que grand don baïol est-ce que yo vini établi des rapports de clientèle même Jacques tant longtemps avec grand don c'est pour ça me dit qu'il faudrait qu'on aller beaucoup plus loin et que nous connaissions si vraiment et qui type de rapport? Ben, il y a un petit jeune tout. Oui. Il y a un petit jeune. Il manœuvre la tactique, la les faits qu'il met en application. Ou pour qu'on connaît. Et qui forme de clientélisme et qui autonomie nouveaux paysans, ça, qui semblait que vous bénéficiez de terre qu'on y a, qui autonomie que vous êtes capable et dégager vis-à-vis de finalement un bon papa qui va vous montrer que vous n'avez pas même demandé vous-même. C'est ça. Deuxième question, je vais vous poser. À propos de problèmes Jean Rabel. C'est que nous avons une impression de une espèce de lutte profonde entre bouc Jean Rabel là avec et arrière-pays Jean Rabel là avec paysannerie Jean Rabel là. On lutte entre la ville et la campagne. La ville là c'est Jean Rabel là, la campagne là c'est arrière-pays. Expliquez-moi, est-ce qu'on a l'impression ça a, et si vous avez une, sous qui ça le basé d'après vous? Bon, et là, je crois que. Bon, si n'a pas parlé d'impression, oui, malheureusement, comme je dis, je ne pas tomber dans des spéculations, tout, côté je parle et dit oui, mais qui j'en crois que bah yo yé, vous comprenez? Bon, encore une fois, ça que m'a dit, ça que je saute expliquer au lan, je connais, je connais que son bagage qui fait, et au fait qui fait dans plusieurs parties dans le pays. Ya. Et c'est pour ça que moi exposé qu'on y a une opposition ville campagne là nous connaît que l'existait tout partout nous connaît que et son réalité son une contradiction d'ailleurs dans pays là côté et finalement même si toute ville dans pays d'Haïti fin n'est pas fini et ville yo quand même piquembé passant de yo en dehors vraiment dans mal cité qu'on y a ça qui arrivé Jean Rabel c'est que quelque part, il y a une série de grands dons qui, c'est des grands dons urbains, ça veut dire, ils vivent dans la ville, dans le boucle, Jean-Rabel, dans boucle et ils ont une série de terres en milieu rural. Qu'on y a? Ça ne veut pas dire que pas gagner des grands dons dans le milieu rural, là, même qui est capable d'user de même stratagème comme ça décrit, là, pour provoquer des conflits entre des groupes de paysans côté où il y a une partie qui menace l'intérêt. Vous voyez ça me dit et dans ce sens, monsieur lui-même, principalement, là, pour rejoindre Grandon la ville, il y a un relais de Grandon, ça, il y a un courroie de transmission et finalement intérêt lui-même par rapport à paysannerie qui a revendiqué droit et qui a demandé changement. Vous comprenez? Et parce que finalement, on en face de ça, et c'est ça qui a passé dans le pays à Konyer, on en face de des forces de changement face à des forces de la mort. Vous comprenez? Ou bien des forces, c'est la mort qui a simaillé. C'est ça, c'est dans ça que vous jouez la vie et pouvoir. Yo. Et puis, ou bien des forces qui a demandé changement, qui ont même c'est des forces de la vie que vous avez. Et c'est ça qui a passé là. Toute force occulte. Non, moi, ça, j'en ai eu là. C'est eux-mêmes qui ont intervenu. Et des fois voilé, des fois non voilé. Et qui ont opposé à eux-mêmes des forces de vie et de changement. Oui, mais pour être dans l'affaire Jean Rabel là, ça m'oué dans la question. Hein, c'est que, si on parle de grand don, ça qui est en boucle, ils ont établi à travers. Pouvoir yon base nan bouk la qui fait que grosso modo d'après sa rapport que nous te recevoir moun nan Jean Rabel te vin développe un sentiment d'hostilité face à habitants qui te nan groupement tête ensemble. Est-ce que c'est pour une deuxième et contradiction que nous joignons nan et qui justifie qui explique massacre là? Bon, ça c'est certain, je crois que ou te font émission déjà, on râle sous ça. Et côté li paraît clair que opposition ville campagne ça te vin manifester li et nan ou opposition tête ensemble équipe missionnaire contre ville Jean Rabel nan tout puisque finalement et li menacer tout gros pouvoir ça qui chita en boucle. Quand travail équipe missionnaire, travail groupement tête ensemble, menacer tout et gros et grand don qui finalement représente l'État, représente la justice, si vous carrez ça la justice, représente tout intérêt, c'est eux-mêmes qui contrôlent les transports, c'est eux-mêmes qui contrôlent tout bagaille. Donc, à la minute que vous gagnez un travail qui a fait en milieu rural et qui lui-même a conscientiser, à pousser devant des revendications, yo vini en conflit direct avec ville, avec boule, avec tout système qui chita dans boule et qui simplement gagne des relais dans campagne. Avec quand même des deux trois tignances, deux trois correctifs parce que dans programme dans émission spéciale premier volet que me défaire même Rémi Lucas qui devine témoigner Radio Haïti et me signaler que me déballe la parole et me signaler que l'utiliser parole là Jean Tépito et l'été reconnaître que groupement d'être ensemble équipe missionnaire t'est fait pour bouc Jean Rabel l'été énuméré une série de bagailles et affaire de électricité, affaire de canalisation hydraulique, enfin énuméré une série de bagailles point etc., qui était faite par équipe missionnaire avec groupement d'être ensemble. Donc même pour villa tu gagne des réalisations qui étaient tangibles, qui étaient visibles. Et que même Moun Lucayo te reconnaître publiquement. C'était un rallye Jean-Dominique te fait avec Michel Pierre-Louis en 87 sous raison ça qui était en bas événement ça tout le monde songeait massacre 23 juillet 87 dans zone Jean Rabel. Et pendant toute l'année qui vient après yo, jusqu'à 91, paysans pas suspendre subir répression. Il est yo levé campé. Nous songeait toute revendication qui faite sous question chef section yo. Revendication qui pas fini malgré chef section passé sous l'ordre la justice. Yo changé maître mais yo pas semblé yo changé métier. Kounia ces problèmes pifon qui posé. C'est comme ça gouvernement Aristide là gen mandali démacoutisation et structure l'état. Nous connaît ces pratiques démocratie qui pral permettre retirer l'esprit makout là, comportement makout là nan mitan nous. Mais gen secteur nan pays a côté makoutis là fort en pile. Nan système la justice là, côté corruption makonnen ak répression, nan bureau l'état yo, côté corruption blainet, bureau l'état que Divalier te fait makout cadeau. C'était une façon pour lui être capable remercier makout, bayo yon chèque dans l'état, mais tout c'était une façon pour système nan te capable bien pourri pour rien pas empêcher vol, corruption ak répression que Divalier te besoin pour kembe pouvoir li. C'est nan organisation l'état yo, système makout la continuer fonctionner juste journée jodia. Et c'est là pour nettoyage la continuer fait pour arriver tout bon vrai capable di yon jour makout pas la donne.